Genèse chapitre 21. Et l'Éternel visita Sarah comme il avait dit, et lui fit ainsi qu'il en avait parlé. Sarah donc conçut, et enfanta un fils à Abraham en sa vieillesse, au temps précis que Dieu lui avait dit. Et Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait commandé. Or Abraham était âgé de 100 ans, quand Isaac, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, « Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront, riront avec moi. » Elle dit aussi, « Qui eût dit à Abraham, que Sarah allaiterait des enfants ? Car je lui ai enfanté un fils en sa vieillesse. » Et l'enfant crut, et fut sevré, et Abraham fit un grand festin, le jour qu'Isaac fut sevré. Et Sarah vit le fils d'Agar, égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, se moquer, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante, n'héritera point avec mon fils, avec Isaac. » Et cela déplut fort à Abraham, au sujet de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « N'aie point de chagrin au sujet de l'enfant, ni de ta servante. Dans toutes les choses que Sarah te dira, acquiesce à sa parole, car en Isaac te sera appelée semence. Et toutefois je ferai aussi devenir le fils de la servante une nation, parce qu'il est ta semence. » Puis Abraham se leva de bon matin, et prit du pain et une bouteille d'eau, et il les donna à Agar, en les mettant sur son épaule il lui donna aussi l'enfant, et la renvoya. Elle se mit en chemin, et fut errante au désert de Beer-Séba. Or, quand l'eau de la bouteille eut manqué, elle jeta l'enfant sous un arbrisseau, et elle s'en alla environ à la portée d'une flèche, et s'assit vis-à-vis, car elle dit, « Que je ne vois point mourir l'enfant. » S'étant donc assise vis-à-vis, elle éleva sa voix, et pleura. Et Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela des cieux Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a ouï la voix de l'enfant, du lieu où il est. Lève-toi, lève l'enfant, et prends-le, par la main, car je le ferai devenir une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et, y étant allée, elle remplit d'eau la bouteille, et donna à boire à l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant, qui devint grand, et demeura au désert, et fut tireur d'arc. Il demeura au désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et il arriva, en ce temps-là, qu'Abimélec, Épicol, chef de son armée, parla à Abraham, en disant, « Dieu est avec toi en toutes les choses que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par le nom de Dieu, que tu ne me mentiras point, ni à mes enfants, ni aux enfants de mes enfants, et que selon la faveur que je t'ai faite, tu agiras envers moi, et envers le pays auquel tu as demeuré comme étranger. » Et Abraham répondit, « Je te le jurerai. » Mais Abraham se plaignit à Abimélec, au sujet d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés par violence, et Abimélec dit, « Je n'ai point su qui a fait cela, et aussi tu ne m'en as point averti, et je n'en ai point encore ouï parler jusqu'à ce jour. » Alors Abraham prit des brebis et des bœufs, et les donna à Abimélec, et ils firent alliance ensemble. Et Abraham mit à part 7 jeunes brebis de son troupeau, et Abimélec dit à Abraham, « Que veulent dire ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part ?» Et il répondit, « C'est que tu prendras ces 7 jeunes brebis de ma main, pour me servir de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu la Beer-Séba, car tous deux y jurèrent. Ils traitèrent donc alliance en Beer-Séba, puis Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils s'en retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta un bois de chêne en Beer-Séba, et invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu fort d'éternité. Et Abraham demeura comme étranger au pays des Philistins durant un long temps.